la drogue est bonne. Droguer, c'est le lien. Droguer, c'est la bonne et drogue. La drogue bonne donne du bonheur. La drogue est bonne à droguer. Droguer, c'est aller au bon. Droguer connaît. La drogue est bonne à donner à droguer. Droguer, c'est le lien entre le bon et la drogue. Le bon est drogué. Drogué est bon.